propose à Philippe Descola, qui a bien voulu accepter non seulement de faire quelques petites remarques de synthèse, mais aussi de poser quelques questions à nos intervenants et à notre intervenant. Merci. Ben, c'est une tâche redoutable que tu m'as confiée, parce que faire une synthèse, il n'en est pas question. Les exposés sont chacun extrêmement riches, mais en même temps abordent des points très divers. Je vais donc essayer de regrouper des remarques autour de quelques thèmes généraux qui m'ont paru émerger des différents exposés. Le premier, c'est celui des rapports conceptuels et philosophiques entre nature et culture. Le deuxième, c'est la question des communs, qui est émergée à plusieurs reprises et sous différentes formes dans les exposés. Le troisième, c'est la question du paysage et des ontologies de la nature. Et la dernière question, et qui sans doute est la plus importante, puisque c'est celle qui nous réunit ici, c'est celle que posait le camarade en chef, que faire? Et notamment, évidemment, en matière de politique scientifique, mais principalement aussi en matière de politique tout court. Alors, pour commencer par la question du rapport philosophique entre nature et culture, une chose qui m'a frappé, c'est qu'en fait, vous avez des conceptions en fait assez différentes de cette articulation qui caractérise, je pense, une grande partie de nos contemporains modernes, pour employer une expression un peu passe-partout. Toi, Claude, En helléniste, tu as voulu disculper les Grecs du péché de naturalisme en disant « Oui, la fucis, c'est pas du tout la nature. » C'est vrai, c'est pas du tout la nature. C'est vrai que c'est quelque chose qui évoque la croissance. Et si mes souvenirs sont bons, la première occurrence du terme est dans l'Odyssée. Hein, c'est la plante, c'est la caractéristique de la plante qui amène le sommeil. Et qui donc a cette caractéristique en elle-même, de par sa nature propre. Mais c'est une longue histoire aussi, et elle commence, je pense, quand même en Grèce, ces purifications successives qui aboutissent à ce moment qu'on choisit toujours un peu par commodité du XVIIe siècle, la révolution scientifique. Et Descartes comme étant une sorte d'archétype de l'ensemble du méchant qui a tout fait basculer. L'histoire est compliquée, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a un élément qu'il faut rajouter, c'est que tu as, dans le titre même de la séance d'aujourd'hui, tu as dit l'homme, son environnement et l'urgence climatique. Je ne vais pas faire de remarques sur le caractère sexiste d'employer l'homme plutôt que l'humain, mais d'une manière générale, c'est l'homme, mais c'est pas uniquement l'homme, puisqu'on en a beaucoup parlé ici des conditions sociales d'usage de l'environnement. Et au fond, pour que se mette en place complètement le système d'usage effréné de l'environnement qui caractérise le capitalisme contemporain, il a fallu que naisse aussi, face à la nature, quelque chose d'autre qui est la culture, la société, etc. Et c'est donc la première question que je voudrais poser, en fait, c'est à Christophe, c'est sur... l'analyse qu'il fait de l'histoire techno-économique de l'émergence des idées de ressources. Et, parce que j'ai pensé, vous connaissez les passages classiques de Foucault dans Les mots, les choses, dans lequel dit au fond une science de l'homme, une science de la société n'existe pas au XVIIe siècle, elle accouche très progressivement au XVIIIe, et puis au fond, les mêmes de société, et aussi on suit par exemple les remarques que Durkheim fait à propos de Rousseau, c'est quelque chose de très tardif, la société de Durkheim, c'est pas celle de Rousseau, l'idée d'une sorte d'instance transcendante extérieure à tout qui agit sur un monde comme un collectif, c'est une idée au fond assez tardive. Et donc dans ce mouvement de genèse progressive du rapport entre nature et société, la dernière pièce du dispositif, c'est la société, c'est la nature, conçue réflexivement comme un collectif, qui est quelque chose qui est au fond d'aussi original que l'idée de nature comme une hypostase regroupant l'ensemble des objets dits naturels. Et donc la question que je voudrais poser à Christophe, c'est la suivante. Est-ce que tu vois ton histoire techno-économique l'émergence des ressources comme une sorte, parce que de substrat pour cette émergence d'un rapport de face à face qui n'est plus simplement, comme chez Descartes, entre un sujet connaissant et actif, agissant sur le monde et d'un côté et puis la nature de l'autre, mais des collectifs singularisés ayant des intérêts conflictuels, etc. En somme, est-ce que tu vois la possibilité de passer d'une histoire des idées comme celle que Foucault faisait dans Les mots et les choses, dans laquelle je suis savoir aussi d'ailleurs, et à une histoire techno-économique de basculement conceptuel? C'est une première question. Je crois que je vais les poser les unes après les autres, et puis ensuite, oui. Toujours sur la même question du rapport philosophique entre nature et culture, je voudrais j'ai une remarque générale à propos de l'exposé d'Augustin. Jacob von Uexküll a quelque chose de très intéressant. C'est que il définit au fond l'environnement d'un animal en particulier comme le segment du monde que cet animal est capable d'objectiver de façon productive du fait de ses atouts biologiques. Et alors Deleuze en a tiré parti dans son analyse de l'éthique, etc. C'est des choses qui sont bien connues. Mais évidemment, le résultat de cela, c'est que chaque espèce a accès à des segments du monde particuliers, et l'environnement qui en résulte, c'est l'environnement d'une espèce qui rend très très difficile de concevoir un environnement général. Autrement dit, comment penser avec Uexküll quelque chose qui serait de l'ordre d'un environnement général? Je pose la question parce que il se trouve que les Indiens d'Amazonie ont résolu le problème. Ils ont résolu le problème parce qu'ils ont une conception complètement uexküllienne de ce qu'est le monde d'une espèce. Alors quand je parle d'espèce, d'ailleurs, c'est pas une espèce au sens naturaliste, c'est des formes de vie ou même des formes qui habitent des milieux de vie et qui, du fait de des propriétés physiques qu'elles possèdent, vont actualiser tel ou tel segment de ces milieux de vie. Et pour éviter le solipsisme qui pourrait résulter d'un ensemble d'espèces qui n'entrent en relation au fond que par la grande chaîne trophique, eh bien, ils ont inventé l'animisme, c'est-à-dire la possibilité pour toutes ces formes de vie de communiquer dans certaines circonstances et donc de dépasser ces segments de vie. Autre question aussi pour Augustin, et qui au fond est un prolongement de la première, c'est la question du sujet. Au fond, quelle extension pour le sujet interprétant? Quelle extension, quel type de sujet est véritablement interprétant? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'interprétation pour un sujet animal. On ne peut certainement pas en parler chez Gibson, par exemple, avec la notion de Fordon, c'est-à-dire le fait qu'un organisme va actualiser un segment du monde du fait des outils perceptifs qu'il possède. Et je t'en parlais tout à l'heure, il y a un livre paru il y a 2-3 ans d'un jeune collègue anthropologue américain qui s'appelle How Forests Think, qui prochainement est traduit en français, et qui en fait s'intéresse à la question de la communication entre les êtres vivants en adoptant la triade de Peirce, c'est-à-dire en disant bon, c'est vrai, on a un problème avec le symbolisme. Puisque le symbolisme, c'est quelque chose qui est la capacité de fabriquer, d'échanger des signes arbitraires, c'est quelque chose qui est propre aux humains. En revanche, il y a quelque chose que les humains et les animaux, voire peut-être les plantes, partagent, c'est la capacité d'utiliser des signes iconiques et des signes indiciels. Et donc, de ce point de vue-là, ça étend le domaine de la sémiose bien au-delà du sujet interprétant classique, disons, de type néo-huxcubien. Je vais arrêter là. La question des communs, elle est centrale, hein, évidemment. Tu l'as abordé, Christophe, avec une remarque que j'ai trouvée très intéressante. C'est-à-dire que le développement de la rationalité des ressources par les puissances coloniales, la rationalité de la gestion des ressources, était fondée sur l'idée de bien public mondial, dont la gestion rationnelle ne pouvait effectivement être que dévolue aux gens qui détenaient la rationalité, c'est-à-dire les scientifiques qu'on a envoyés en masse, les forestiers, les ingénieurs agronomes, etc. Donc, l'histoire des sciences a montré à quel point ils se trouvaient dans l'œil jusqu'à l'omoplate en ne comprenant pas les systèmes de gestion d'environnement, misreading the African landscape, enfin, il y a très nombreux travaux sur ce sujet qui sont très intéressants, le livre de Thomas sur les forestiers en Indochine, etc. Et cette question elle pose plus généralement une question que Benoît a posée, qui est celle à qui appartient la nature, à quel niveau doit-on d'emboîtement de responsabilité politique et territoriale doit-on se placer pour avoir la légitimité de dire que tel ou tel segment d'un écosystème doit être protégé contre qui, etc. Alors toute l'histoire des aires naturelles, hein, on la connaît, ça commence avec Yellowstone qui, contrairement à la légende, était occupée par des Amérindiens au moment de sa création. On a toléré une dizaine d'années, puis ensuite on a viré Manu Militari, et cette expulsion, c'était des Shoshones. C'était le territoire de chasse des Blackfoot, mais aussi des Shoshonis qui habitaient en permanence, et avec un argument, et j'ai pensé à ce que tu disais à propos de la géothermie qui était amusant, l'argument de la National Park Service, c'était il y a des geysers, et en fait les Amérindiens sont terrorisés par les geysers, c'est pour ça qu'ils ne viennent jamais ici, alors qu'en réalité les geysers étaient des endroits où ils pratiquaient des rituels. Donc c'est une vieille histoire, qui recommence constamment avec des hauts et des bas, et ce que tu as dit sur les Maasai était tout à fait enrichissant. Et au fond, la question que ça pose, en effet, c'est comment concilier des logiques qui peuvent être, dans certains cas, des logiques d'aménagement, c'est le cas de la géothermie, dans certains cas, des logiques de protection, où il y a un degré très élevé de biodiversité, avec des logiques locales d'usage et de conceptualisation de l'environnement. Et il me semble qu'on devrait pouvoir combiner les deux. C'est une proposition que j'avais faite à l'UNESCO il y a des années, les gens de la vision du parc naturel m'avaient demandé est-ce qu'on peut adopter d'autres façons de concevoir. Parce qu'ils sont très ennuyés par les conflits, pratiquement. Ils sont très nombreux, ces conflits, partout dans le monde. Et j'avais suggéré précisément que l'on combine aux critères qui sont généralement employés par les écologues pour préserver un espace naturel, que l'on combine des critères locaux et que l'on fasse des réserves qui, dans le cas Maasai, prendraient en compte ce que tu as dit sur la dimension mythique, et dans le cas qui en Amazonie prendraient en compte le fait que des populations entretiennent des rapports d'un type très très particulier avec les différents éléments de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des revendications en ce sens. Lors de la COP21, une communauté amérindienne d'Amazonie équatorienne, des gens qui sont des quechuafones du Bobonassa, une communauté qui s'appelle Salayaku, a déposé un projet dans lequel ils demandent la reconnaissance comme une aire. Alors le problème, c'est une aire culturelle naturelle, c'est-à-dire d'occupation par cette communauté amérindienne, comme une réserve, et c'était urgent, et c'est toujours urgent d'ailleurs, parce que le président Correa, malgré son progressisme, a vendu l'Amazonie équatorienne à la Chine, et donc il y a des conflits absolument partout, et notamment des compagnies pétrolières chinoises qui sont en train de se rapprocher de cette communauté. Et ce qu'ils avaient donné comme argument, c'était que dans ce territoire, il y a des liens, alors ils employaient la terminologie habituelle de l'UNESCO, matériels et spirituels, tout à fait particuliers entre humains et non-humains, qu'il s'agit de pouvoir maintenir et protéger en quelque sorte de la prédation. Et donc, l'une des choses que l'on peut faire, et c'est ce que tu as décrit, ce que tu faisais, c'est de au fond, à une certaine époque, les ethnologues étaient un peu, ou les anthropologues étaient des porte-parole ou des avocats, à une époque où les populations autochtones n'étaient pas en mesure de faire valoir leurs droits et faire entendre leur voix dans les arènes internationales. La situation a un peu changé, mais je pense qu'on a encore la possibilité, comme anthropologue, de faire ce type de travail, c'est-à-dire de faire d'être des médiateurs dans des conflits d'interprétation naturelle-culturelle sur des territoires, et de faire valoir et de renforcer par peut-être il faut profiter de l'autorité qu'on nous donne, de l'autorité scientifique dans certains endroits qu'on nous donne, qui nous subsiste un tout petit peu, dans les endroits où on discute et on décide de ces questions. Si je peux me permettre, oui. Peut-être aussi proposer d'autres paradigmes, justement. Oui, bien sûr. Mais quand je parle de ça, c'est purement descriptif. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de Salayaku, dans le cas que tu as décrit, à la fois les populations locales ont une idée assez claire de ce qu'elles font, de ce qu'elles veulent, et sont en mesure de le formuler et nous peut-être de le problématiser de telle façon que ça devient acceptable par des organismes de certification, des choses comme ça. Dernier point, et pas des plus parce que je vois que l'heure tourne, et pas des moindres, là, c'est la question de la politique. Alors Madame, vous êtes retrouvée avec Augustin sur l'idée d'un travail d'éducation au fond et un travail sur soi, donc d'apprentissage à la fois de la pensée complexe, et de la prise de conscience de ce que c'est que la médiance. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est pas une politique scientifique, mais c'est une politique éducative. Et une politique éducative, ça suppose, quand vous parliez du microbiote, le fait qu'on apprenne aux enfants qu'à tout moment, ils sont en interaction avec des quantités énormes, à la fois à l'intérieur de leur corps, mais aussi à l'extérieur d'eux-mêmes, d'entités biologiques, et que ces interactions vont jouer un rôle et que la moindre action qu'ils peuvent mener va avoir des effets à court, à long et à moyen terme. Autrement dit, l'enseignement de l'écologie de base, hein, puisque c'est ça. Benoît parlait des... je crois que c'est Benoît, des sciences de la complexité. Au fond, on peut dire que l'anthropologie et l'écologie, c'est des sciences de la complexité. Hein, c'est-à-dire, c'est des sciences des interactions. L'anthropologie, pendant trop longtemps, a été assez anthropocentrique. Bon, on essaye d'en sortir un petit peu, quand même. Et l'écologie... science des organismes. Donc l'apprentissage de ces c'est des choses qui la génomique a repoussé l'écologie systémique précisément comme tu l'as bien dit comme à la périphérie. Bon, autre responsabilité. Alors je crois que qu'on a tous comme savants, bien sûr, c'est la question des alternatives, et de penser des alternatives qui soient, comme vous l'avez dit, radicales. Et je pense par exemple que la question de la propriété collective des moyens de production, vous avez évoqué dans le cadre de l'écosocialisme, il me semble que la façon dont elle a été conçue par le socialisme, par Marx d'abord, et même maintenant, elle est, au fond, vue comme une pluralisation de l'appropriation individuelle. Et de l'appropriation individuelle conçue telle qu'elle a été développée dans la philosophie politique et l'économie politique, à la philosophie politique à partir du XVIIIe siècle, avec cette idée... que Macpherson avait développé de l'individualisme possessif, c'est-à-dire le fait qu'au fond les humains ont la capacité de s'approprier le monde parce qu'ils sont propriétaires d'eux-mêmes et qu'ils peuvent entrer dans des relations d'échange dans lesquelles ils vont échanger des biens et des services. Et donc il me semble que c'est un germe de cette idée d'appropriation. C'est l'idée même d'appropriation qui en fait pose problème, qu'elle soit individuelle ou collective. Et c'est pour ça que parmi les sciences, on a évoqué plusieurs sciences qui devaient collaborer, en somme, à une grande réforme conceptuelle. Il y a le droit. Parce que, au fond, la plupart de ces principes de philosophie politique se sont transposés dans le droit. Et cette idée d'appropriation, elle doit être extirpée du droit, ce qui n'est pas une mince affaire. Et moi, je me fais l'avocat depuis longtemps de donner des droits, enfin, je ne sais même pas si c'est le terme adéquat, mais enfin, prenons-le de façon provisoire, de donner des droits à des milieux de vie, précisément, et non pas à des êtres. Hein. C'est-à-dire pas à des multinationales, à des États, à des individus, à des chimpanzés, etc., mais à des milieux de vie, qui, de ce fait, pourrait être conçu comme la base de la capacité pour les humains de s'apparier, pour reprendre cette belle expression, avec des non-humains, les humains devenant en quelque sorte des mandataires, peut-être, dans des conditions à discuter, mais la source du droit n'étant plus l'appropriation individuelle ou collective, la source du droit étant des milieux de vie indépendants. Enfin, indépendant, pas complètement dépendant des humains, parce que la plupart des milieux de vie sont anthropisés, mais conceptuellement et juridiquement indépendant des humains. Donc, je pense qu'il y a un travail encore à continuer par rapport les grandes révolutions conceptuelles de la philosophie des Lumières, d'abord des penseurs socialistes du 19e siècle. Doivent être prolongés, et en même temps il faut, je pense, opérer des ruptures radicales par rapport à ces deux révolutions, parce que l'une est un peu dérivée de l'autre. Voilà. Merci. De grandes questions posées désormais, des questions fondamentales. Augustin Berthe, oui. Que d'abord je reprends dans l'ordre. Hein. Oui, on a deux minutes chacun. À peu près. On a deux minutes. On peut légèrement déborder. Jusqu'à 20h. Oui. La question portait sur Uxküll. Uxküll a ouvert une problématique, mais il faut évidemment aller plus loin qu'Huxley. Parce qu'il était naturaliste, il n'était pas philosophe, il a posé des questions qui sont philosophiques au fond, mais pour lesquelles il n'a pas proposé de solution. Donc les mondes fermés, les bulles dans lesquelles il enferme le vivant, comment les dépasser, aller plus loin pour avoir une vision globale de ces diverses bulles? Il n'y a que la science qui le permet, la science moderne permet, justement, parce que le recul qu'elle a pris. Mais la science moderne elle-même en est arrivée, avec la physique quantique, à rencontrer ses propres, impossibilités d'objectiver totalement. Bon, la même question se pose donc à un autre niveau, seulement il faut jouer sur ces divers niveaux avec une nouvelle ontologie, une nouvelle logique. Et là, donc, ça serait la question de la pensée complexe. C'est sûr que l'Occident a beaucoup simplifié, et en particulier le modèle, le paradigme moderne a immensément simplifié en posant comme principe que la subjectivité ne serait pas dans l'objet, alors qu'elle y est impliquée forcément dans des dispositifs, qu'ils soient instrumentaux, qu'ils soient intellectuels. Et ces questions-là, l'Occident n'y a pas pensé, l'Orient y a pensé, donc nous avons à faire une synthèse à ce à quoi travaille la mésologie, au sens où je l'entends. Donc quel sujet, tu posais aussi la question, quel type de sujet est interprétant? Pour la mésologie telle que je l'entends, il y a interprétation dès le vivant le plus primitif, à partir du moment où il interprète l'environnement comme quelque chose de différent de soi-même, et qu'il va interpréter de manière différente suivant les espèces. Ça, c'est le substrat, c'est à la fois l'ancêtre et le substrat du jugement prédicatif S-E-E-S-T-P. Voilà, bon, qui va se développer jusqu'à notre propre logique. Mais ça, c'est le principe de ce que Heidegger appelait als, en tant que, saisir quelque chose en tant que quelque chose, etwas als etwas. Et bien ça se pose dès le début du vivant, mais nous avons à en prendre conscience nous-mêmes, par exemple tel que la physique quantique l'a fait, en interprétant, disons, le donné, soit en tant que une particule, on va dire le donné, une particule, soit en tant que corpuscule, soit en tant qu'onde. Et la physique sait à quoi c'est dû à ces dispositifs instrumentaux. Mais cette idée de dispositif, qui a bien entendu ses répondants dans des concepts à la fois philosophiques et politiques, le mot même de dispositif chez Foucault, le mot de Gestell chez Heidegger et des équivalents, eh bien, ça aussi, ça a été pensé en Orient, et spécialement dans le bouddhisme du grand véhicule, avec un terme qui en japonais se dit sesetsu, et c'est ça le dispositif. Donc, nous sommes maintenant capables de penser cela. Nous en avons des manifestations tout à fait scientifiques, physiques, des manifestations intellectuelles de cette capacité de penser le complexe. Et juste en un mot, qu'est-ce qui est complexe? Qu'est-ce qui est simple? Eh bien, la simplification abusive, c'est de dire S et P. Alors que le complexe, c'est de dire S et P pour I, pour un interprétant. Voilà, donc il faut penser cette ternarité et non plus cette binarité. J'ai fait deux minutes. Christophe Renaud. Je vais peut-être plutôt rebondir sur la question des communs, parce que ça permet de discuter aussi ce qu'a présenté Laurent et que je trouve intéressant, ce que tu disais qui t'a intéressé, c'est une espèce de tension entre la construction dans l'idéologie coloniale d'un bien public mondial légitimant des prises de possession, etc. Et si je m'intéresse à ça, c'est bien parce que je suis persuadé qu'il y a quelque chose de colonial dans les discours et les dispositifs actuels qui sont dominants dans les institutions économiques et politiques internationales et qui ont adopté depuis 15 ans ou 20 ans des langages de la complexité de l'anthropocène à travers les sciences du système Terre, etc. Parce que je pense que ça reproduit cette totalisation, cette fabrication d'un système qu'on connaît par le haut et qu'il faut gérer par le haut, fut-il complexe. On voit bien les effets que ça a si on le regarde à l'échelle où toi tu l'as regardé. On a d'un côté un bien public mondial qui est le climat, qui est défendu par des dispositifs qui sont mis en œuvre dans les conventions internationales, qui sont les mécanismes de développement propre, les RED et les marchés du carbone, qui fabriquent le carbone comme un grand outil universel planétaire, qui gomme les dimensions locales. Et qui du coup permettent des prises de possession et une sorte d'éradication des lieux et des attachements que peuvent avoir des peuples à ces lieux. Et donc moi, si j'essaye de faire ce travail historien, de m'intéresser au discours, au savoir, au dispositif du bon usage de la nature dans le passé, c'est un peu à titre de vaccination contre ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, voilà. Et du coup, j'avais envie de poser la question aussi par rapport à Janine. Est-ce que Janine, est-ce que moi, en critiquant la vision ressourciste, etc., on n'a pas tiré sur l'ambulance ? C'est-à-dire, on a critiqué un certain type de capitalisme avec sa cosmologie particulière, qui est plutôt le capitalisme industriel et fordiste, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale ou la fin du XXe, alors que dans les dernières décennies, dans la guerre froide, avec le développement de la cybernétique, les débuts de l'analyse des systèmes, la deuxième cybernétique, une partie des savoirs de la complexité sont nés au cœur du système militaro-industriel américain, et donc d'un nouveau capitalisme qui se met à s'approprier, à mettre en valeur, à capturer de la valeur, non plus seulement sur les entités appropriées par des brevets, etc., en coupant la nature en morceaux, mais en captant des flux, des réseaux, des relations, et en faisant ces objets d'expansion et de capture. Toutes les attaques qu'on a pu mener contre les pensées réductionnistes, etc., sont déjà en retard d'un train, d'une certaine façon. Et la critique que fait Laurent du discours de l'anthropocène, c'est la critique d'un certain discours des sciences de la complexité appliquée à la planète qui a des effets de pouvoir dont tu regardes les effets sur tes terrains. Janine ? Je ne sais pas très bien à quelle question je dois répondre, mais j'ai pas envie de répondre à celle de Christophe, mais je ne crois pas qu'il y ait un retard d'un train. Alors, je pense que ce que tu dis est assez bien traité dans un livre déjà un peu ancien, qui s'appelle « La révolution informationnelle » paru au PUF en 98 de Jean Lefkin. Il montre justement comment cette révolution informationnelle a été à la fois instrumentalisée, freinée, biaisée par le capitalisme, qui en a pris certains aspects, qui en a rejeté d'autres aspects, parce que ça, pour des raisons de pouvoir en particulier, ça empêchait la nécessaire implication de tout le monde au sein de l'entreprise, etc. Et je crois que là, on est dans la même situation. C'est-à-dire que cette révolution du complexe, qui est une véritable rupture conceptuelle, moi, je ne crois pas vrai, je ne suis pas vraiment d'accord avec votre définition. Je crois que c'est beaucoup plus englobant et beaucoup plus dynamique que simplement mettre l'observateur dans le sujet observé. Cette révolution du complexe qui participe du développement de la science a été là aussi, c'est une rupture conceptuelle qui a été bloquée, partiellement empêchée, partiellement détournée, biaisée, et que une des manières effectivement de l'empêcher, ça a été d'empêcher de l'enseigner. Mais l'enseignement ne se fait pas en dehors de la recherche. On ne peut pas séparer ce qu'on enseigne et qu'on recherche. Et on se trouve effectivement dans des potentialités de compréhension, d'appréhension de ce qui se passe, qui sont négligés, et que dont on prive en particulier le public, quand on prive en particulier toute la sphère qui n'est pas universitaire, et qui est pourtant totalement indispensable à l'heure actuelle. C'est ce que je crois avoir montré dans l'exemple des antibiotiques. Il ne suffit pas qu'il y ait des scientifiques qui lisent quelque chose. Il faut que l'ensemble de la population arrive à s'approprier ces choses-là. Et ça, ça passe par un type de raisonnement qui existe maintenant, qui est possible, qui naît et qui s'est développé et qui rejoint aussi la dialectique et dont la population est totalement privée. Et donc c'est pour ça que je ne crois pas qu'on est en retard d'un train, bien au contraire. On est en retard de la possibilité de contrer, c'est en allant en avance et non pas en revenant à l'arrière qu'on peut arriver à contrer la manière dont est biaisée toutes ces nouvelles idées qu'on retrouve dans les communautés scientifiques mais qui n'arrivent pas à les dépasser. Benoît ? Oui, je remercie d'abord Christophe pour son commentaire, parce que je pense qu'on partage complètement la même approche. C'est-à-dire que, enfin, c'est pour cette raison que dans mon introduction, je restituais le contexte global qui est celui de l'émergence de la géothermie dans un pays comme le Kenya, en le liant justement à la problématique carbone, dont tu as raison de dire qu'elle apparaît comme un universel commun et qu'elle permet des prises de marché. Et en fait, de la même façon, j'ai produit récemment un article sur la question de la conservation où on observe absolument le même phénomène du point de vue de l'histoire à travers le phénomène de green grabbing, donc land grabbing, peut-être REDD+ grabbing, je ne sais pas comment il faut appeler, mais tout ça effectivement me semble relever d'une même logique. Alors, à la remarque qui est celle de Philippe Descola, c'est-à-dire que je pense que ce qui m'intéresse derrière ce cas d'étude, c'est pas seulement de réinterroger à l'homme de la problématique de l'anthropocène, la question de à qui appartient la nature. Oui, c'est une question importante. Et en fait, moi, ce qui me fait problème dans l'anthropocène, y compris dans le capitalocène, c'est pas suffisamment fin, mais c'est cette catégorie d'hommes. Et au regard des problématiques du climat, je crois que dès lors que l'on travaille dans des pays du Sud, les problématiques sont complètement différentes et voire complètement inversées. Et donc, la question qui est celle effectivement de l'émergence de ce référentiel, moi j'appelle ça des référentiels environnemental global, mais qui renvoie à cet universel que tu évoques, elle renvoie la question de l'anthropocène. En fait, c'est pas seulement la question de comment on repense notre lien à la nature, mais c'est que la nature, en fait, n'est que le miroir de ce que nous faisons nous-mêmes en tant qu'humains. Et donc, je pense que pour un certain nombre de sociétés aujourd'hui, la guerre généralisée faisant partie de l'anthropocène, c'est aussi la question de l'humain qui est fondamentalement posée dans cette affaire. Donc, effectivement, là, ça appelle, je pense, à complexifier les choses. Et donc, à la fois, effectivement, à repenser nos ontologies, à être capable, peut-être, d'en inventer d'autres, je ne sais pas si on peut, et donc, effectivement, à considérer la possibilité des non-humains, etc. Mais aussi, je veux dire, dans les pays du Sud, il y a des questions sociales fondamentales qui demeurent et qui n'ont pas été réglées et qui, à mon sens, doivent être prises en compte par les anthropologues. Donc, c'est sur cette nuance-là. Et là, troisième chose, et je vais très vite, c'est quand vous posez la question, Philippe, de comment concilier donc des logiques d'aménagement avec des logiques de la nature. En fait, là, ça renvoie exactement à la problématique du système productif dans lequel on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la géothermie, on a la possibilité de développer des petites stations de production orientées vers un développement local connecté, par exemple, techniquement, à des greenhouses et des fisher ponds, des sphères de production de poissons, et qui pourraient bénéficier aux populations locales Maasai. Mais le choix qui est fait en matière de green energy, c'est la superproduction pour produire des milliers de mégawatts qu'on va vendre à l'Éthiopie ou aux voisins. Et là, ça pose une autre question, c'est-à-dire que c'est pas seulement la question de l'appareil de production qui est posée. C'est que, y compris les ressources que l'on a transformées, elles se sont tellement financiarisées qu'aujourd'hui, il y a là une sphère qui tourne en rond et sur laquelle on n'a pas maîtrisé. Et là, moi, j'aimerais bien que l'écosocialisme nous apporte des réponses, parce que pour le moment, je ne vois pas du tout comment on fait sur cette question. C'est-à-dire que l'appareil productif, effectivement, c'est la question qui est au cœur du débat entre les thèses de l'accélérationnisme et celles de la décroissance. Et je vois bien qu'il y a là une pensée du milieu, d'une certaine manière. En revanche, sur la question de la finance et de l'utilisation financière de ce qui a été transformé, là, pour le moment, moi, je ne vois pas. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors, c'était justement à ton tour, Michael, de parler, d'intervenir. Je vais juste dire un mot à Benoît. Oui. La proposition écosocialiste par rapport à la question de la financiarisation, c'est que la finance doit devenir un service public contrôlé démocratiquement pour la population. Donc, il faut l'enlever, ça, des mains des spéculateurs, des banques, etc. Bon, je ferme la parenthèse parce que je voulais répondre à la question de Philippe Descola. Bon, vous avez dit quelque chose que j'ai trouvé très important sur ces indigènes qui sont allés à la COP21 en disant, voilà, nous voulons une réserve sur cette terre qui est pour nous sacrée. Bon, la forêt, c'est le morceau de la forêt. Ils n'ont pas dit sacré, hein. C'est ça. Bon, des liens spirituels et matériels. Oui, c'est nous qui interprétons ça comme sacré. D'accord. C'est des liens particuliers entre humains et non-humains. Bon, d'accord, mais c'est des liens que spirituels. Bon, donc on peut se mettre à sacré. Bien. Mais j'ai peu importe les termes. Donc, est-ce que. Je pense que ça pourrait peut-être être un exemple de ce que vous appelez les droits des milieux du vivre. Hein, peut-être. Bon. Mais en tout cas, je pense que cette revendication des indigènes, elle a une très grande importance politique et écologique. Elle est à la fois locale et globale. Pourquoi ? Parce que l'Amazonie est en train d'être détruite à une rapidité étonnante par les compagnies pétrolières, les agrobusiness de la soja, de l'élevage, l'industrie du bois, etc. Bon. Or, l'Amazonie, c'est les derniers, comme vous savez tous sans doute, les derniers grands puits de carbone qui absorbent encore des quantités importantes de CO2. Bon, la fin de l'Amazonie signifie la fin de tout espoir d'éviter le changement climatique. Donc, je conclue que le combat, la lutte de ces indigènes amazoniens pour leur espace spirituel, sacré, magique, etc. C'est leur combat local, mais c'est un combat qui nous concerne tous, hein, tout au même. C'est tout. Merci. Le temps est désormais dépassé. Je pose et je vous en remercie que nous avons fourni des éléments de réponse face à la chose écologique. Je ne parle pas des choses climatiques, mais des choses écologiques, celle qui est la nôtre, à nous, hommes et femmes, je précise, ni qu'être nous. Et donc, c'est un engagement désormais à agir. Merci.